Bienvenue aux amateurs de rock progressif à notre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous écoutez Rock de Neurone en compagnie de Jimmy Farley. Je serai avec vous durant les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale consacrée entièrement au rock progressif qui nous vient d'Ukraine. Alors, c'est d'actualité. Et je voudrais mentionner que sur la scène du rock progressif international, l'Ukraine a quand même une présence assez marginale si on compare ces 83 artistes là, que j'ai répertoriés dans ma base de données qui, soit dit en passant, en contient 22 800. Donc 83 artistes sur 22 800, c'est assez marginal comme je l'ai mentionné. Et quand même, la musique ukrainienne touche malgré tout à 15 des 22 sous-genres du prog, avec une concentration quand même assez marquée dans le crossover, l'expérimental post-metal et le post-rock math-rock. Alors, comme je le disais, c'est peu en termes de quantité, mais vous allez entendre de la musique là, de assez haute qualité aujourd'hui, surtout avec Anthony Kalugin, Obyemi Doshu, Sunchild, Hogwash, Inside the Sound, Robots Against Entropy, Harlequin, Modern Rock Ensemble et Carfagen. Je voudrais préciser là, qu'il y a beaucoup de ces groupes qui gravitent autour de Anthony Kalugin, là, qu'on retrouve notamment avec Carfagen, Hogwash et Sunchild. Ça, c'est pour mentionner les plus connus, mais sachez qu'il s'implique aussi dans une production solo. Et en plus de participer là, à plusieurs projets d'artistes émergents d'Ukraine. Alors, si vous voulez encourager le prog ukrainien, alors je vous invite à visiter le site carlesi.com et vous allez y retrouver à peu près toute la discographie que vous allez entendre aujourd'hui. On débute justement avec Anthony Kalugin et deux extraits de l'album Chameleon Space Shifter. Ça, c'est paru en 2021. C'est le sixième et le plus récent album de sa discographie solo. Et ça sera suivi de Obyemi Doshu, un groupe de Kiev, avec deux albums qu'on leur connaît à leur actif. Et le premier est paru en 2009 et le deuxième en 2017. Et j'ai choisi pour vous la pièce de Dead 3, And the Wind, tiré de Leheia, leur premier opus. On va conclure avec un groupe du giron Kalugin. Il s'agit de Sunchild, dont on connaît 7 albums studio. Et la pièce que vous allez entendre est extraite du plus récent album intitulé Messages from Afar, The Division and Illusion of Time. Ça, c'est paru en 2018. Alors, il va tout de suite avec Anthony Kalugin. Hello, dear friends, this is Anthony Kalugin. Best wishes from Ukraine. You're listening to Rock the Neurone. Stay safe and Slava Ukraini. світа шеймоїх, не здати нас відвіти шлях, до мрій, що зберегти не зміг, перетворивши в попіл прах, життя тепер холодна ніч, пронизуючи плоть наскрізь, заглушуючи смертний клич. Знов робить черговий поріз, що витримаю я цей біль, чи слід мені чекати світла, чи не покинути цей біль, між мертвим деревом і вітром, щоб не дихати вже собі, що все гаразд до посиління, чи не покинути. Не покинути цей рік. can be just an echo from the past. And leaning the halls, a special place in your heart. Special place. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale sur le rock progressif qui est origine d'Ukraine. Et pour le deuxième segment d'émission, on continue avec un groupe qui gravite autour d'Anthony Kalugin. Il s'agit de Hogwash. Ça, c'est un groupe qui a publié deux albums qui sont parus en 2007 et 2013. Et ce que je vous propose, c'est la pièce « Out of the Abyss ». Ça, c'est tiré de « Spellbound », leur deuxième album qui est paru en 2013. Ensuite, on va entendre le groupe « Inside the Sound ». Ça, c'est le projet du guitariste de Carfagen. Son nom, c'est Max Velichko. Il a enregistré deux albums en solo. Le dernier, c'est « Wizard's Eyes ». Ça, c'est paru en 2017. Et on va entendre une pièce qui est tirée de cet album-là. Puis on va conclure avec Robots Against Entropy, un groupe qui gravite autour du guitariste Yuriti Sazonets et dont on connaît un seul album paru en 2018. C'est un album homonyme et la pièce que j'ai extraite s'intitule Come Get Some. Mais auparavant, on y va avec Hogwash. Hello, my dear friends. Best wishes from Ukraine. You are listening to Rock the Neurones and stay safe. Slava Ukraini! Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale sur le rock progressif qui origine d'Ukraine. Et le troisième segment de l'émission contient deux longues pièces, dont la première nous vient du groupe Harlequin. Ça, c'est un projet du multi-instrumentiste Igor Sidorenko. Ça, c'est un musicien qui se dit quand même inspiré du groupe polonais Collage. Et on va s'apercevoir là, qu'il y a des accointances. Il a deux albums à son actif, dont le premier qui s'intitule Disguise Serenades, et duquel j'ai extrait la longue pièce In the Puzzled Roundabout. Tout de suite après, je passe le flambeau au groupe Modern Rock Ensemble, projet de Vladimir Gorachenko, dont on connaît deux albums studio, paru en 2016 et 2019, et la pièce que j'ai choisie s'intitule Night Comes Dreams. Ça, c'est une suite en cinq volets qui dure autour de 11 minutes et qui est extraite du plus récent album Night Dreams and Wishes. Mais on va y aller auparavant avec Harlequin. Hello, dear friends. This is Anthony Kalugin. Best wishes from Ukraine. You're listening to Rock the Neuron. Stay safe and Slava Ukraini. What have you done to this world? Father, this gutter keeps growing, no. In this kingdom of believers, with no crown for royal one, there's no wisdom but deceivers, there's no future, only it's time to set you free. Fallen, be whom you wanted to be. Masquerade of perversions, all the feelings quickly fade. There's no human, there's no nations, there's no air. This charade. We'll be right back. finish it somehow. Lost in this for many thousand years. World is stumbling in this senseless fear. Calling themselves humans of soul.

êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de cette émission consacrée au rock progressif d'Ukraine. Et en guise de clôture de l'émission, je vous propose que le dernier segment soit consacré en entier à l'artiste le plus actuel, le plus prolifique et le plus représentatif de la qualité du rock progressif ukrainien moderne. Il s'agit du groupe Carfagen, qui cumule 13 albums depuis 2006, et qui, malgré toutes les difficultés, vient tout juste de faire paraître Land of Green and Gold, duquel j'ai extrait trois chansons qui seront suivies en conclusion de la longue pièce tirée de Magician's Theater, parue en 2014. Hello, my dear friends. Best wishes from Ukraine. You are listening to Rock the Neurone and stay safe. Slava Ukraine! Thank you. last forever. I know. C'est donc sur cette chanson de Carfagen que se termine cette émission spéciale de Rock de Neurones consacrée au rock progressif ukrainien Et avant de terminer, bien, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir du site web de SoundCloud. Alors, pour y accéder, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche de SoundCloud. Et aussi, je vous rappelle que la feuille de route de l'émission est disponible sur notre page Facebook. Et qu'en plus, je diffuse une infolettre hebdomadaire que vous pouvez obtenir en m'en faisant la demande en privé. Ça, c'est toujours à partir de la page Facebook de l'émission. Et finalement, mais sachez qu'il existe 218 émissions archivées qui sont disponibles, soit à partir du lien qui apparaît sur la page Facebook de l'émission, ou soit en vous dirigeant directement sur le site de archive.org. Alors j'espère que vous avez aimé l'émission, et c'est Jimmy Farley qui vous invite la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.